à la fin, moi-même mis dans la carte. Alors, mes sports accessoires, c'est là où intervient aussi, pour la première fois, peut-être encore plus, de façon plus sensible, l'érision. Et je parle du rituel de la messe, comme étant à la fois l'archétype, un archétype théâtral, un archétype plastique, puisque le sens de la messe, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang, et c'est à partir de pain et de vin, qui sont, par la médiation de la transubstantiation, transformés en chair et en sang, selon la croyance chrétienne. Donc, en définitive, de même que la peinture est transformée en image, de même que un texte est transformé par la présence des acteurs en quelque chose d'autre, pour aboutir à la fin, dans la messe chrétienne, à la communion, donc à la rencontre avec les autres, ceux qui ont participé, là, c'était vraiment prendre cet archétype qui est, en fait, qui est aussi un fait sociologique. La messe existe comme ordonnée sociologique. En fait, une sorte de rituel d'approche du corps, ce qui était logique puisque c'est le sens, je dis, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc on s'approche, et je célébrerai la messe en latin de façon à ce que les mots ne soient pas compris, qui est dans le fond une espèce de bruit. Le rituel, un rituel de son, de geste, il y avait donc une croix, simplement c'était le rituel de la messe. Et je donnais là aux gens la communion sous la forme de boudin fait avec mon propre sang. Et pour moi, bon, la dérision est le seul le moyen d'atteindre le sacré. Resterait à définir la dérision, resterait à définir sacré, c'est un autre problème. Ou même c'est le centre même du débat. Enfin. Mais, et puis, devoir boudin, parce qu'en fond, la seule consommation du sang qui existe en France, c'est le boudin. C'est la seule manière dont je consomme, donc il était logique que mon propre sang soit transformé en boudin. Et en retour, après la célébration de la messe, il y avait au sous-sol de la galerie un tas de viande qui était dans le fond ce que nous sommes. Une sorte de nouvelle interrogation, mais là par la médiation de viande animale. Alors que la communion se faisait comme une tentative un peu désespérée de rencontre de l'eau par mon propre sang. Je proposais aussi un certain nombre d'hôtels dits portatifs, comme les prêtres qui peuvent en voyage utiliser tous ces hôtels portatifs. Chaque hôtel était dédié à une partie du corps humain, et il y avait le vêtement qui était remis à l'approche du corps, le moulage, et une plaque faite avec mon propre sang, une hostie et un calice, et aux autres d'inventer à leur tour des rituels d'approche du corps. Puisque je le dis encore une fois, je pense que le corps ne s'approche pas, il reste toujours entre soi et l'autre corps, espèce d'impossibilité, comme une sorte de frontière invisible qu'il faut tenter de briser. Donc le deuxième extrait est une vidéo d'enfants qui sont filmés en train de dessiner. Je peux dire deux mots sur cette bien filmé par le zoom avant. Il y a des problèmes de lumière, tu verras. Mais l'important c'est que on avait préparé avec Journiac, bon, moi-même beaucoup de questions, etc., etc. Mais quand on est arrivé, il avait tous ses livres, il avait fait un plan parfait. Et il a commencé à parler et ça n'a absolument pas arrêté. Alors j'ai trouvé que c'était bien plus intéressant que toutes les questions que je pouvais poser et qui allaient vraiment couper la parole et les flux. Et effectivement, il a vraiment traversé son travail entier et c'est un document qui est bon, d'abord parce que Michel était merveilleux, mais parce que c'était vraiment quelque chose qu'il faisait avec une telle vérité, avec un tel désir de se faire comprendre, qui est émouvante. Et ça a été très bien. Nous, en réalité, moi, j'ai rien fait que mettre la caméra et attendre qu'il parle. Il en a fait devant la caméra du boudin. Non, on a essayé, on a filmé. C'était du passé, là, il parle de choses qu'il a fait autrefois. C'est ça, parce qu'en fait, il revenait point par point, exposition par exposition sur son parcours. Et il expliquait à chaque fois en détail son travail. Il y a tout ? Il y a beaucoup de choses, il y a tout. Ah ouais, c'est très long alors. C'est, non, c'est une, non, c'est une vidéo d'une trentaine de minutes. Ouais. Mais il y en a une deuxième aussi. Mais c'est 76. Montré... Peu de gens qui l'ont filmé, Journée Actuelle. C'est ça, 76. Je pense que à la galerie Staller, quand il l'a fait, il y a la galerie Templon, quand il s'est fait, il y a des films. Nous, on a des petites boues. On avait des boutons, mais il a disparu. Je ne sais pas, peut-être on l'a prêté, peut-être... L'Espour encore a été filmé, oui. Notamment par Carole Monsonos. Oui, elle a filmé. Mais on a montré les deux. On a montré les deux. Oui, c'est ça. En fait, dans les archives sur lesquelles tu travailles, il y a deux morceaux sur des bandes séparées, mais qu'on a pu reconstituer. C'était en décembre dernier, quand on a fait cette séance, avec le film qui existe, et qui est un film de Carole, et d'autres, Gérard Carréchi et un troisième, Journiac lui-même. Voilà, ils sont trois auteurs. Donc, il y a Messe pour un corps, et on a projeté cette archive aussi. On avait aussi des gynopones qui sont disparus aussi. Peut-être les élèves, ils sont pris, l'ont réutilisé quand elle était venue à l'école et qu'elle fait une performance. Donc le deuxième extrait, c'est une vidéo d'enfants filmés en train de dessiner dans un atelier à Lensba. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la réaction, l'opinion en fait des étudiants. À propos des comportements, des réactions des enfants qui sont face à un modèle nu. Et voilà, donc on les voit ensuite, on voit les étudiants, ensuite les élèves de l'école en train de débattre sur ce que peut apporter justement les différentes réactions de ces enfants. Donc deux extraits de la même vidéo. D'abord les enfants, voilà, en train de discuter entre eux et avec le modèle. Et ensuite la réaction des étudiants.